cœur et je suis la chair. Je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Nous sommes dans la forêt. Nous sommes trois. Monsieur Clément, celui qui nous conduira loin, loin de ce lieu au nid, plus tard, mais bien plus tard seulement. Nous a offert un présent, quelque chose de merveilleux, un souvenir et son prix en nouveau. Nous a offert, en manipulant son almanach de feuilles, car c'est un journalier, il court les 1000 veaux, du moins il conduit, puisque nous sommes à bord de son vieux pick-up au siège moins que confortable. Il conduit dans 1000 veaux et compte des histoires et les essaime sur des feuilles qu'il laisse sous forme de poèmes pour que circulent et bruissent les rêves d'un être à un autre. Sur ces feuilles qu'il a précieusement enlacées, il a écrit un nombre incalculable de mots, des mots qui nous échappent, des mots qui nous fuient, des mots qui nous poussent au dehors, des mots qui nous font entrer en forêt. Chacun a pu voir ces mots, lire ces mots. Lire ces instants de vie, serrés à l'étroit sur ces petites feuilles toutes jaunies, qu'il serre comme un trésor dans sa petite boîte de fer blanc, où est écrit en gros « souvenir ». Où sont mêlées parmi les feuilles des feuilles d'arbres morts sur lesquelles peut-être nous ou d'autres avons noté nos propres souvenirs. Et si ces souvenirs sont pris sont saisis à bras le corps, ils vivront peut-être encore un peu plus. Et ces personnes seront nos amis. Notre chauffeur redoute qu'une chose. Le gang. Ah, mes enfants, mes petits cœurs. J'espère bien que nous saurons éviter que notre route ne rencontrera pas celle des quads et de la sentinelle. C'est ainsi que nous avons fait halte dans la forêt. Après avoir récupéré Boule d'Or, qui est avec nous, enfin, avec nous, et pas au bout d'une corde. Et toi ? J'espère que le vieux t'entendra pas et que nous aurons pas à aller le rechercher au cœur du bois. Peut-être est-ce ça ? Est-ce notre destin que de toujours suivre la pelote de laine pour retrouver la pauvre boule d'or égarée dans le bois? Et pourquoi va-t-il dans le bois? Je doute qu'il le sache vraiment. Peut-être qu'il a besoin. Peut-être a-t-il besoin que vous soyez autour de lui. Peut-être a-t-il besoin de se savoir aimé, choyé. Lui qui a perdu sa famille, mais vous, vous en avez. Vous, toi, tu as une famille. Et Monsieur Clément, en te tendant la feuille, sont là vibrer sur ta main, dans ta paume, dedans, sur les veines que l'encre a tracées. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des instants de vie. Sens, toi aussi, Jeanne Léo. Je ne sens rien. Pas de ta main d'artifice, de l'autre, celle de ton cœur. Suis ton cœur. Sens, hume la feuille. Ça sent juste l'arbre moisi. Et d'autres choses encore. Aussi un hérisson qui est passé faire ses besoins dessus. Peut-être. Et il y a bien d'autres choses encore qui nous sont ainsi cachées. Et que nous révèlent les nervures même de la feuille. Ce sont ces nervures que nous allons suivre, en suivant les mots, en adoptant les mots, en oubliant les tracas. Et peut-être que là, votre ami Boule d'Or restera auprès de vous, et que vous n'aurez plus à vous inquiéter de son sort. Peut-être que vous formerez à nouveau une famille, tous ensemble. Monsieur Clément s'est assis à une vieille table toute vermoulue dans une maison à l'écart de la route, à 200 mètres à peine en entrant au-delà de la lisière de la forêt en quittant la voie des chutes. Une maison où deux portes s'ouvrent, l'une vers la voie des chutes, l'autre vers la forêt immense, sombre et menaçante. Alors, lorsque nous lisons les mots, nous ne sommes plus Albert, Léo, qui ronge son os. Ce qui lui reste de sa main, celle-là même qui est tombée comme fruit mûr sous les crocs du Vorgne, Peut-être est-il possédé par le vergne qu'il veuille à tel point ronger ses doigts. Mais il non entend... par le vergne, mais par Chacha. Chacha. Super vilain. C'est pas crédible. Oh, Chacha. Nous ne sommes plus petites, mais Calouna. Nous ne sommes plus Albert, mais Kin. Nous sommes trois. Kin, Calouna. Et Chacha. Surnommé Chacha, mais que par les intimes. Chacha. Parmi ceux d'en bas, après le temps des pluies, lorsque les cendres surnagent dans les mares abondantes que la pluie a laissées dans notre forêt, des faubourgs de la ville, la grande ville, pas notre petite ville, la grande ville du progrès, Little Hope, nous qui sommes en bas de Little Hope. C'est le temps sec. C'est le temps des rituels. C'est le temps où les nôtres réparent les maisons éprouvées par les pluies diluviennes. C'est le temps où nous quittons la rizière qui n'est que travail harassant, boue, sueur et larmes. Pour récolter une maigre pitance que nous vole l'encart. Tout entière, la récolte est saisie par l'organisation. Et à mesure de nos mérites, nous en récoltons une maigre part pour affronter la saison sèche. Alors, il nous faut courir le bois. Récolter auprès des arbres à sucre, cueillir les rayons de miel, récolter le cresson frais, mais nous, nous sommes différents. Différent en cela que nous entendons que notre vie, notre communauté est menacée à brève échéance. Et si nous n'affrontons pas les trois sœurs comme nous sommes, même trois. Notre communauté disparaîtra. Elle ne survivra pas au temps sec. du charnier. Nous sommes trois enfants, moi et... Talona. Chacha. Chacha. Devons affronter l'immensité de la forêt. Nous devons trouver la source du mal qui ronge et menace nos pères, nos oncles, nos tantes, nos sœurs. Par les anciens, celle qui nous assure de trouver le chemin au cœur du bois, ne jamais nous égarer et pouvoir détourner le cours sombre des trois sœurs. Qu'as-tu pour nous guider, Kaluna? À l'organisation et qui nous éclairera dans la nuit qui règne au cœur du bois. Mais ce n'est pas le bois que courent les autres. Et ça, Chacha le sait très bien car il est dépositaire des secrets de la communauté. Des secrets qu'il a lui-même oubliés, mais qui se révéleront en temps opportun. Lorsque nous quittons les nôtres, nous les quittons sans regret, car curieusement, au temps du charnier, curieux nom pour une saison, le Boomtom, l'amas de nos maisons de bois est vide, tous les nôtres ont disparu. C'est comme ça que nous avons su qu'il était temps d'affronter les trois sœurs. De nos amis. Nos frères, nos tantes, nos sœurs sont là, mais ils ne nous voient plus. Et ils n'ont pas compris que si nos chats, nos poules, nos cochons avaient fui dans l'espace de la nuit, c'est que la forêt les a appelés. As-tu entendu l'appel de la forêt, Kaluna? Non. Et toi, Chacha, as-tu entendu l'appel de la forêt retentir auprès des animaux? Oui. Quelle forme a-t-il pris? On a vu un loup apparaître. Les animaux, c'est comme si leur comportement avait changé subitement sous le regard du loup. Et ils l'ont suivi jusqu'à la forêt. Ils ont suivi l'appel du loup. Moi-même, j'étais en train de jouer avec les flammes. Je consume une feuille. Et quand j'ai vu ce bois arriver, j'ai pris une des bougies, j'ai regardé. Je l'ai laissé partir. Car j'ai compris que c'était l'heure de voir. Et donc, toi, tu es porteur, porteuse. Là, c'est avec un dessin. Il faut que tu obtiennes moins que ton innocence. Sinon, il faut avoir la conséquence. Je t'ai donné un des 24 par le D20. Donc c'est moi en l'occurrence. Tu as fait un rêve où les sœurs se manifestaient, les trois sœurs qui règnent sur cette forêt qui n'est pas la forêt que nos pères, nos oncles, nos tantes et les anciens parcourent. C'est celle que l'on peut parcourir qu'en rêve ou au travers d'un rite profond. Un rite hors du temps. Un rite où nous ne sommes plus nous-mêmes, mais nous sommes la somme de nos mérites. Des mérites qu'ont connus nos vies, nos incarnations antérieures. Quel rêve as-tu fait qui annonçait la venue des trois sœurs dans la forêt sur laquelle nous avons bâti notre communauté ? Un rêve étrange, mais pas réaliste. Déjà, je me promenais seule. Puis j'arrive devant la forêt. Je m'arrête net. En voyant trois choses qui. Des silhouettes. Je ne pouvais pas dire. Je pourrais pas décrire ce que c'était. Je m'arrête net devant la forêt. J'essaie de trouver où se sont. Où se trouvent les choses qui sont passées juste devant moi. Je décide de me retourner et je vois à nouveau l'endroit où j'étais en train de balader, mais sauf que c'était beaucoup plus sombre. Il n'y avait plus de vie. Que tout avait pourri, j'ai l'impression. Mais avec une chose visqueuse, un liquide noir. Je ne connaissais pas la constitution. Tout était dévasté, il n'y avait plus un animal ou une personne qui y traversait. Le temps s'était littéralement arrêté. Mais je sentais que quelque chose m'observait. Quelque chose de pas vivant, pas humain. Quelque chose qui traversait les personnes, qui pouvait même pouvoir en prendre le contrôle. Après, je me suis réveillée. Et ça s'est arrêté. J'ai pas cherché à comprendre. À part, j'ai un peu compris ce qui allait se passer. Mais bon. Non, c'est pas toi. Hein? Quoi? Ah si, j'étais partie dans la forêt, un moment. Juste pour revoir pour la dernière fois les animaux. Après, j'avais pas l'impression que cette chose était humaine. Ni vivante. Comme une matière, mais qui pouvait nous traverser. Contagieux. Minuscule. Comme une épidémie. Un mal noir qui ronge. Et aussi, j'avais l'impression que ce liquide était en train de ronger le bois des maisons, l'herbe, les buissons. Après, je peux plus rien dire. Après, c'était assez flou. Ça se trouve, c'est juste un rêve qui n'a rien à voir. Ils sont d'eau. Lorsque nous entrons dans la forêt, après que Kaluna nous ait évoqué son rêve qui explique le départ des la désertion de nos amis de nos compagnons. Ceux qui vivent sous le deuxième toit de chacune de nos pagodes de bois, que nos oncles, nos tantes, nos pères et les anciens ont mis tant de temps à bâtir pour vivre au-delà d'une génération, ceux-là même auxquels nous avons prêté la main. Poli les bois, ciré le bois, lustré celui-ci. Le bois auquel nous avons donné le temps du choix, errant longuement dans la forêt avec les anciens pour choisir chaque tronc pour qu'il soit bien lisse. Qu'aucun cochon sauvage n'ait heurté sa base, qu'aucune colonie de termites ne se soit installée, qu'aucun feu de forêt n'ait consommé sa première écorce pour lui en donner une seconde. Le bois noir et sombre, celui qui sied au plancher, à l'ossature, à la charpente même de nos maisons. Nous avons emprunté la sente, celle qui s'éloigne vers le camp S21, vers l'orée de Little Hope. Nous n'avons marcher sur cette sente forestière, quitter nos paysages familiers, délaisser nos souvenirs et nos habitudes. Les arbres se sont faits plus grands, plus majestueux, plus imposants. Et comme dans le rêve de Kaluna, la lumière du jour a semblé vaciller et céder la place à une nuit factice, étrange. Moi, le petit Hin, j'étais tout impressionné par la majestuosité de ces arbres. La majestuosité. Ouais, ça, c'est un mot qu'il faudrait que je dise à l'ancien, parce que lui, je suis sûr, il ne le connaît pas. Et alors que je me fais cette réflexion, j'avise un vieux monsieur. Mais ce n'est pas un vieux monsieur comme les anciens, tout rabougri, dans sa tunique étroite que lui a concédée l'organisation, sa tunique noire. Non, une tunique de lin écru comme on en faisait autrefois. Et il a une écharpe safran comme celle des prêtres. Il est installé dans les replis de l'arbre et nous offre le thé noir. Ses yeux sont d'un blanc laiteux. Il ne voit plus le monde, mais nous a entendu. Il a entendu nos pas précautionneux sur la sente. Et nous a offert de partager avec lui son thé. Sentir sur ma langue, l'amertume du thé, sa chaleur se diffuser dans mon corps, dissiper la moiteur des arbres qui nous entourent, c'est renouer avec le bonheur de notre communauté, les moments doux. On a connu des moments doux dans la communauté Kaluna. Des fois, mais pas de ces temps-ci. Dis-nous un moment doux dont tu te souviens. Quand on était dans dehors, quand la chasse était assez bonne. Nous avons beaucoup de nourriture. Du coup, des fois, des soirs, nous faisons des banquets. Je me souviens d'un banquet de termites auquel on a tous les trois participé. On a mangé, ça craquait sous la dent et on avait récolté du miel. Et il faisait bon. C'était le soir et on était tous sur la place du village avec les vieux qui racontaient des histoires d'antan. Et puis les plus petits qui riaient tout autour en se courant après. C'était quel. C'est pas vrai, j'étais pas dans ces petits. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais c'est ainsi comme dans un rêve que nous sommes entrés dans la forêt des trois sœurs. La forêt est sombre et comme éclairée d'une lueur maligne venant de l'intérieur. On y entend moult bruits inquiétants. Jamais l'âme n'est en repos. Les branches, les racines se mêlent, on ne sait où est le haut, où est le bas. Or nous, les horizontaux, ceux qui vivons au ras de l'eau, près des lacs, nous savons combien il est important de savoir où est le bas, pour que l'eau, à la crue, ne nous surprenne pas, ne nous noie pas, comme la rivière dont on a rompu la digue pour voir croître le bon riz qui croquera sous la dent, puis chemiser dans des petits, dans de petits sacs de rotin. Dans la chaleur et la moiteur que dispense le feu. Ça, tu peux jeter un D6 s'il te plaît. D6. Sur moi. Et Corrado, que devrions-nous connaître sur toi ? C'est un secret. Vous n'avez pas voulu lire. Tant pis. Tu vas lancer 2 D20. Tu prendras le meilleur résultat. 2 D20. Ouais. 9. 19. C'est pas une addition, c'est à confronter à ta bravoure. C'est toi qui es notre guide à cette étape, et c'est toi qui va nous qui va dicter notre attitude. Donc, tu as obtenu 19 et 13, je crois. 13, et ta bravoure est de 15. Donc, tu surmontes l'adversité. Lorsqu'il nous dit ça, notre ami, on voit qu'il est. Il brille dessus d'une lueur maligne, une lueur qui est. Pas celle de la sueur qui sied aux marcheurs au cœur de la forêt, celle du bon travailleur qui a sué toute la journée à planter, replanter les pousses de riz dans la rizière. Non, des sueurs sombres qui maculent son visage, qui lui confère une teinte étrange, qui distend ses traits, altère sa voix. Nous savons que ce qui se tient derrière nous et nous dit de lire les feuilles qui compose la carte que les anciens nous ont confiée. C'est pour mieux nous égarer et mieux approcher ces crocs de nous. Sa bouche s'est distendue, c'est pas la bouche de notre ami. C'est une bouche garnie d'une multitude de dents, avide de nous croquer. Et je secoue la tête et je redeviens normal. Je dis, oulala, il a encore fait des bêtises celui-là. Et nous savons qu'il nous faut fuir. Fuir cette apparition, cette première apparition des trois sœurs. Nous avons le temps de fuir car Kaloun a la présence d'esprit de t'appeler par ton nom. Quel est ton nom véritable ? Léo. Et lorsqu'elle crie Léo, la créature apparaît sous son vrai jour et nous avons l'espace d'un fugace instant, la présence, l'opportunité de nous rendre compte de sa duperie, de sa duplicité, de son avidité, de son l'horreur qui s'approchait de nous. Nos autres sens ont été trompés, mais nous avons le temps d'un instant perçu l'une des trois sœurs sous son véritable jour. Une classe tranquille. Non, mais moi je me suis parce qu'en fait c'était mon l'esprit de Sacha qui le possédait. C'était pas vraiment moi. Ce qui s'est profilé, c'était toutes ces dents innombrables et immenses que nous avons vues. C'était celle d'un ours. Des ours, on en voit dans le bois. Au pied de Inderen, cette grande montagne qui domine le plateau d'en haut et que l'on peut contempler depuis le canal qui quitte Little Hope, où nous allons parfois faire les livraisons de notre provente, de la provente que doit la communauté à ceux d'en haut. On en croise des ours. À leur passage, il faut demeurer prudent, mais cet ours-là est tout différent. Parmi ses poils immenses, longs, drus, pousse une mousse maladive, baignée de la lumière que nous avons vue tantôt en entrant dans ce bois sombre, celui des trois sœurs, celui du rêve. Et entre les poils, entre ses muscles, une mousse jaunâtre étend sa ramure. Son regard est vitreux, comme celui du vieillard rabougri que nous avons croisé, vêtu comme un bronze, avec qui nous avons bu le thé noir du souvenir. Cet ours est mort et avide de la vie qui est encore en nous. Nous entendons son pas pesant qui fait craquer sous ses pattes la végétation. Il hurle après nous, alors que nous enfonçons toujours plus profondément dans le bois. En continuant de m'enfoncer, je touche un arbre qui commence à se décomposer. Se décompose pourquoi ? Qu'y a-t-il à sa place ? Ah non, qu'y a-t-il sous son feuillage ? C'était parce que c'est quelque chose de végétal et que mon toucher est fatal aux choses végétales. Fatal ? Si la forêt se désagrège, c'est parce qu'elle semble laisser place, comme dans un autre songe, à ce que fut autrefois cette même forêt. De grands immeubles envahis par la végétation, aussi orgueilleux que ceux de Little Hope. De grandes bâtisses de béton, incongrues au milieu des arbres. Des arbres immenses qui laissent filer leur tronc pour prendre racine dans le ciel. Ils sont, ces immeubles, non pas envahis par la végétation, comme parfois nous le trouvons, mais sous les frondaisons, à mesure que nous écartons non pas les arbres, mais juste les buissons, les mousses, les lianes, tout semble vu comme au travers d'un vieux miroir usé, dépoli, comme si la pierre même se tenait derrière un miroir de sa même forme, comme si la pierre, le béton plutôt, avait été vitrifié. À quelques distances de nous, il y a une éminence, un point un peu plus haut. On perçoit que quelque chose s'y tient, nous observe. Cette présence, ce n'est pas celle de l'ours. Nous savons que nos pas légers nous ont placés hors de son sillage, loin de sa voracité. Quelque chose d'autre nous observe. Le bâtiment devant nous, l'immense bâtiment de béton vitrifié, sur le devant, sur la partie qui s'offre à nous, qui nous tenons en contrebas, une porte qui s'ouvre lentement. Une lumière vive s'en échappe. hurle « Tais-toi !» Alors, c'est... Pas de... C'est toi qui as lancé le dernier dé, donc c'est... Ah. Alexane. Tu le lances ? Ouais. Un dé 6, s'il te plaît. Un. À quelle instance ? Tu sens l'urgence. Et si tu mets en branle les constructions d'autrefois, nous sommes dans la cage d'un ascenseur qui nous portera hors de portée de cette présence qui, nous, elle, nous aspire, cette émanation de l'une des trois sœurs qui peuple le bois. Cela, il ne faut pas que nous mollissions, il ne faut pas que la peur nous envahisse, la peur nous fige, nous submerge. Et comme tout à l'heure, tu as su crier le nom, le véritable nom de Chacha, qui n'est pas Chacha. Mais qui est Léo. Chacha, c'est l'autre esprit qui est dans mon corps. Tu dois avoir la présence d'esprit de... d'actionner l'ascenseur pour que nous montions dans les étages. Tu fais un nouveau test de bravoure. C'est un des 20. Lance. C'est toi qui veux pas lancer, toi. Je sais pas. C'est à toi de lancer. Ah, c'est à moi. Ouais. C'est toi qui est l'origine de l'action. D'accord. 14. 14, c'est ta bravoure. 15. Et 15. On peut bon. Le pas lancer deux fois, non ? Non, non. Là, non, c'est on bon. A eu notre... Du premier coup. Ouais. Donc, tu... Xavier, tu vas jeter un des 6. Tu es la brave main d'innocence, là. Un des 6, ok. 3, d'accord. Il fallait faire plus ou moins ? C'est ça détermine. De toute manière, t'avais un des 6, tu pouvais pas faire plus, hein. Tu peux faire 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6. Personne, il est au bout de sa vie. Non, il est pas au bout du rouleau. Parce qu'il n'y a pas de rouleau. Moi, j'ai dit au bout de sa vie. Voilà, il est bizarre. Quoi ? Il lève les pattes tout seul. Il se laisse faire. L'ascenseur, de façon abrupte, nous soulève dans les airs, dans un grand crissement, puis nous entendons le chointement des pistons dans les coursives, le moteur qui grogne en fond. L'ascenseur s'élève et alors que nous arrivons à ce qui semble être le haut de l'immeuble sur le toit. Le toit s'évase, nous livre le passage, nous arrivons au milieu d'un tas de décombres envahis par les lierres, un amas de lierres. Devant nous se tient une créature saugrenue. Saugrenue. étrange. Qu'est-ce qui va nous sortir? Téléphone. Un chat. Un chat qui boit. Le Tikabalang. Oui, à quoi ça ressemble, à vos souhaits? C'est... Ça tient du cheval. Un cheval comme on en montait autrefois et que l'on voit sur les gravures d'antan. Un cheval qui a porté les cavaliers à la bataille. Un destrier massif à la robe noire. Mais ce n'est pas l'incongruité de trouver un cheval. Ce n'est pas ça qui nous surprend. Ce sont ces deux têtes immenses. Ces deux têtes immenses qui menacent de s'abattre sur nous. Ces deux têtes d'où émergent de grandes dents qui n'ont rien à envier à celles de l'ours. L'une des têtes arrache l'ossature de l'ascenseur qui s'effondre en bas dans un grand fracas. Quand avons-nous rencontré le Titan Kalang? Comment avons-nous, dans nos mérites antérieurs, rencontrer la bonté qui inspirera le Titan Kalang, qui inspirera au Titan Kalang la bonté nécessaire à ne pas nous dévorer et à nier sa faim pour devenir notre monture qui nous mènera jusqu'à l'antre de la première sœur. Le fait que j'ai connu son père, c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai élevé son père. Son père était mon destrier. Et j'ai essayé de le sauver une fois quand le titan Kalon était en difficulté. C'était un effondrement. J'ai essayé de l'empêcher de se prendre des pierres, mais il s'en est pris qu'une seule. Et depuis, il m'aime quand même. Parce que si j'avais pas évité les autres pierres, il ne serait plus là pour m'aimer. Et penses-tu que dans l'immensité du temps qui est la vie du Titan Kalang, ce seul souvenir suffira à raviver votre complicité? Pour ma part, oui, après je sais pas pour eux. Qu'as-tu fait pour protéger le Titan Kalang au sein de tes mérites? Le Titan Kalang est connu pour sa faim immense. Il adore la chair fraîche. Qu'as-tu fait pour lui? J'ai envie de dire quelque chose. Sens-toi libre. Mais ça n'a aucun sens. C'est ton histoire. C'est notre histoire. Nous sommes trois. J'ai pas fait grand chose pour lui parce que ça m'aidait. Au contraire, il y a une personne qui arrêtait pas de me suivre et de m'embêter. Et tu lui as offert cette personne? Oh oui. Bien volontiers. Oh oui. Et de sa chair, il s'est repu. Oui. À satiété. C'est et c'est pourquoi il n'a pas tourmenté pendant des années la communauté, car tu lui as offert La chair de cet égaré. Oui. Cet égaré. Il chantait quelque chose en lui. Je saurais pas dire quoi. Mais ça, c'est comme dans le rêve que j'ai fait. Comme quand je ressentais la chose qui n'était pas humaine, ni vivante. J'ai l'impression dans que la chose... qui te suivait. Oui, j'ai l'impression que la chose s'était emparée de lui. C'était avait... un envoyé des trois sœurs. Je ne sais pas si cette chose a un rapport avec les trois sœurs. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Cet égaré, je le connaissais. C'est qui? Car c'était Sacha, mon ami. Depuis, il me hante. Bah, désolé. Hein. Mais je sentais quelque chose qui me déplaisait. Je suis obligée de te suivre. C'est lui qui m'oblige. Tu veux pas que je finir comme lui? Tu ne connais pas mes pouvoirs. Si, je les connais. Que tu ne connais pas les pouvoirs de Sacha. Tu ne me connais pas, ni Sacha. Tu ne connais aucun de nous deux. Tu ne connais personne. Je ne crois pas aux choses. Je connais beaucoup de monde. Ne crois pas. Je ne crois pas. C'est les faibles qui croient. Tu en fais partie. Non. Si. T'as cru que... Tu te rappelles de Albert, ton ami? Oui, je me rappelle de ce brave. C'est moi qui l'a tué. Exactement. Je le sais. Excusez-moi. Et tu vois que, en fait, t'avais parlé avec un esprit. T'avais parlé avec personne. T'avais pas parlé avec moi. Moi, j'étais comme ça, en train de regarder la bestiole. Ok. Et je sors un... Excusez-moi, j'ai senti quelque chose. Je sors un couteau de ma poche. Qu'y a-t-il? Tu veux jouer? Et tu vois le couteau plein de sang. Qu'as-tu fait? Encore. Et je souris en regardant le sol. Je pense qu'il a fait encore une bêtise. Qu'il est pathétique. Qu'il est pathétique. Et tu vois du sang couler de ta main. Et du sang couler de la main de Hind. Le sang, c'est le sang que j'ai versé pour vous, fils de la terre. En d'autres temps. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Prenez. Buvez. Je sors le couteau et je le regarde en souriant. Je tends le poignet vers le cheval décharné qui boit à mes veines, qui lappe de sa langue râpeuse et bifide comme celle du serpent, comme s'il avait deux couleuvres vertes, celles que nous redoutons tant, qui se glissent entre les arbres pour nous surprendre au tant des travaux à la rizière qui se laissent tomber subeptices sur les braves travailleurs. Deux langues s'introduisent dans mes bras et viennent lécher le sang que mon frère a répandu. Le sang de son frère. Et avec le couteau... Qu'as-tu fait, fils de l'homme? Et on voit sur le... Hennis le cheval. Nous vous avons offert un royaume d'espérance. Tu l'as jonché de scories. Tu as répandu le sang de ta chair. Va, erre, que ton esprit s'embue, que ton esprit erre à jamais dans les ronces de l'oubli. Je n'ai jamais été humain. Je me dissimulais sous le nom de Léo. Je n'ai jamais été Léo. Vous vous rappelez de ce petit tout bon, tout gentil qui errait dans la forêt il y a plusieurs années. Il y avait bien un esprit qui l'hantait, qui s'appelait Kara. Il est de retour. Albert. Albert. Excuse-moi. Et on voit sur le couteau, sur le sang, on voit un reflet, le reflet du visage de l'ancien Léo. Au pied de... sous les sabots antérieurs de la créature, là où, en renaclant avant de planter ses langues dans les bras de Him, avant de puiser au sang que tu as répandu, il a creusé de son sabot l'amas des débris qui jonchaient la toiture. Des débris étranges, des cendres qui semblent figées, des morceaux de verre, comme des éclats même de ce que nous avons vu au bas de l'immeuble. Et là, il y a un être à la tête toute bouffie, boursouflée, visage rosé qui sent pourpre de colère, semble-t-il. Albert! Le sang couler, le visage comme s'il était en train de se faire découper, le visage qui était sur le couteau. Et je souris en regardant. Albert ! Ça devient du n'importe quoi ici. Il me faut un crayon si tu veux que j'écrive nos souvenirs. Tiens. Un crayon ! Un crayon ! Et où veux-tu que je trouve un crayon ? En ces lieux ! Moi j'en ai un, si tu veux. Là où j'écris mes recherches. Enfin, je sais même pas ce que je fais avec. Moi j'écris. Je peux t'apporter la plume d'un moison. Ça, je peux. Barnabé. Mais t'as les deux mains prises, comment tu veux faire? Ah. Tel est mon pouvoir. Oh. Et une plume. Ouais. Tombe et on voit le sang qui se répand de partout. Avec lui, avec son couteau. Ah, mais c'est pas une plume avec laquelle je puis écrire. Si. Si tu peux, Barnabé. Avec la plume. Mais c'est qui, Barnabé? L'aime du tu as que l'être en pidant le sang de Léo. Ah oui. Là, vas-y, écris pour moi. Mes bras sont occupés à autre chose. Mais il a deux personnes dans sa tête. Allez, toi qui as un bras armé, et je... celui de Neo Ruchia. Je prends mon couteau et j'écris avec le couteau. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Qu'écris-tu sur le sol? J'écris, en gros, la mort est avec nous. Tu la mort, ce et Kara est en bas. Et je mets Kara est juste à côté de vous. Tu écris dans le sol. Tout tout en souriant, et ce sont des signes. Ouais, il est possédé. Qui frange le sol comme des balafres. Des signes que l'on lit autrefois au livre des révélations, celui qui fut confié au moment où les eaux se répandirent sur la terre. Illisible, littéralement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le sang, ça coule, comme celui qui va bientôt couler des autres victimes que je vais faire. Pathétique. Comment ça dit ça? Réellement pathétique. Trop. C'est ce que tu ajoutes à ta force, dame. Alors... 14. Tranquille. Je suis à 14 maintenant, tu vas faire quoi? Il est possédé, mais tout va bien. Je vais juste faire une potion. Dans la communauté forestière des gens d'en bas, on cultive le riz dont se nourrissent les habitants de Little Hope. À Little Ho, on produit des tas d'autres choses qu'envient les autres habitants de Little Ho. Mais pour ce qui est des gens d'en bas, on vit au rythme des débordements des eaux, des pluies diluviennes qui, avant les cendres, car tout le monde le sait, la forêt ne connaît que quatre saisons. L'hiver, la saison morte où nous sommes. L'automne. L'automne. Et l'automne. Dans cet automne perpétuel, les pluies inondent le monde. Le monde forestier des gens d'en bas. Ceux-là même qui nourrissent ceux d'en haut. Et leurs frais abris de bois, de palmes, de feuilles séchées, de lianes nouées, peinent à les protéger des pluies incessantes, de la moiteur étouffante de cet automne perpétuel qui ne voit pas tomber les feuilles comme ailleurs en Millevaux. J'ai pas touché ça. Car c'est la saison éternelle, une saison éternelle qui la distingue de l'hiver ici. Que par l'intensité des pluies, il y a l'humide et le sec. Le temps du sec, c'est le temps où les corps se reposent, où l'on circule dans les barques sur les innombrables lacs reliés entre eux. Sépare Little Ho des terres franques. Gamba vivent dans la peur. Qu'impose ceux d'en haut, les gens de Lanka, ceux qui imposent leur un tribut ressenti quotidiennement au temps de la saison sèche, au temps où les eaux se tarissent, pour laisser le temps aux plantes d'en bas de ressurgir, de reconquérir les territoires des terres humides et dans les forêts noyées, nourrir le futur riz de la récolte suivante, des récoltes suivantes. Car sur les quatre saisons que connaît ce niveau, il y a trois saisons de récolte, trois temps où l'on recueille le riz germé, celle où les pluies tombent incessantes et où le riz pousse dru et vert. Automne, automne, automne. Et le temps sec de l'hiver, où la terre se repose, elle a été gorgée c'est d'eau. C'est très changeant ces saisons. Très très très changeant. Et gorgée d'eau. Une eau t'es de vie. T'es toujours étonné d'être en automne. Elle la mue en ce qui nourrira les corps d'une vie nouvelle. Et sans cesse renouvelée. Une vie que les anciens jugent éternelle, pour peu que l'on satisfasse au diktat de l'Ankar et qu'on évite toute mesure punitive. Nous, trois, Hin, Kara, Kaluna, chevauchons notre monture nouvelle, éternelle car elle dort au creux des rêves des gens d'en bas. C'est le cheval à deux têtes. Le cheval à deux têtes et aux morsures féroces que nous avons abreuvé de notre sang. Pas du mien. Pas du mien. Celui de Léo, mais pas du mien. Pas du mien. Pas du mien. Abreuvé au sang et à la douleur. Des ouvriers innombrables, des industrieux riziculteurs, des patients arboriculteurs qui entretiennent le pays d'en bas pour le pays d'en haut. Oh, oups, j'ai tué Léo. Comme c'est dommage. On s'en doutait pas du tout. Je crains que, à convoquer ainsi la noirceur de l'homme, mon frère. Je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas un homme. Tu es ma sœur éternelle. Je ne suis pas ta sœur. Oh, que si. Non, je ne suis pas une fille. Tu as été pris aux côtés de l'homme. Et Olim, le souffle a répandu le verbe pour que l'homme ne soit pas seul, il a, dans la glaise, tracé les mots qui ont révélé sa compagne. Mais tu n'es que l'image déformée de cette compagne des hommes. Et je sors mon couteau, je le polis avec une flamme. Kaluma. Oui, je peux polir un couteau avec une flamme. Oui. Extrait des perles de souvenirs du dieu qui se meurt dans la terre, au tréfonds du sol. On entend son souffle et elle l'a recueilli dans quatre perles dont nous sommes porteurs. Peut-être pourrons-nous les offrir pour échapper à un destin funeste. Et il y avait une personne qui passait par là. Je plonge ma main dans la personne. Et en ressortant ma main, elle est pleine de sang, mais noire. Et le sang noir, il commence à comme venir sur moi pour me faire une sorte d'armure. Et l'homme s'effondre. Et je lance mon couteau sur l'autre homme qui l'accompagnait. Et je te regarde. Après cette vision fugitive de cauchemar, allant l'angle sur notre monture devenue docile, payée au prix du sang, nous aboutissons à une grotte formée des racines entremêlées des arbres du cœur du bois. Ici, la lumière est rare et n'éclaire que de façon fugitive la ténèbre qui sourd, noire, intense du cœur de Kara, qui répand dans son sillage des visions de mort, de supplice, de massacre, ceux perpétrés dans les temps immortels, perdus dans les mémoires oubliées des hommes. La route que nous suivons, cette voie, est une voie du temps jadis, une voie déchue, mais qui maintenant nous apparaît comme une voie des déchus. Elle aboutit à une espèce de grande mare fangeuse où s'amoncellent des multitudes d'objets hétéroclites, abandonnés là, depuis des temps qui nous échappent. Un amoncellement d'objets qui captent les lueurs fugitives de la lumière que laisse filtrer la canopée au-dessus. Sur les parois de la grotte faites des racines d'un immense arbre, il y a de vieilles photographies en piteux état, collées, agglomérées, mêlées à la mousse qui pousse dru le long des parois, les vieilles photos jaunies, les souvenirs oubliés, des temps où la neige était encore un état de l'eau, où le froid régnait en ces terres au seuil des terres franques. Et on voit mon bras mécanique tomber et le sang noir que j'avais récupéré sur un homme former un autre bras qui forme une sorte de lame qui devient maintenant un bras, mais qu'on arrive... La lame qui est à moitié collée à mon bras se voit plus, et le bras, le faux bras, c'est comme si j'avais vraiment mon bras. Oui, c'est logique ce que j'ai dit, mais bon. Et je coupe une liane qui était sur mon chemin. Et mes yeux ont changé de couleur, ils sont devenus noirs et rouges. En souriant, en aiguisant ma lame bras, sa lame bras. Ah non non. Moi je fais comme ça. En la regardant en souriant. Et moi je le regarde pensif, très pensif. Et dans l'autre main je tiens un briquet. Il veut mettre. Et la liane. Ses cheveux sont immenses. Noir malgré l'âge, le bas de son corps, ses jambes qui devraient être repliées sous le saillon se perdent dans l'amas d'objets. La liane que j'avais coupée, je la reprends et on voit qu'au bout de la liane, il y avait quelqu'un qui était pendu et je le brûle. Tu es toujours à dissiper un des six, s'il te plaît. Ouais. Tes visions de cauchemar qui te sont probablement insufflées par la vieille mémé qui se tient là avec son toupet de cheveux noirs qui semble flotter comme des lianes filandreuses ou peut-être des algues qui seraient englouties par les eaux depuis trop longtemps. Des algues qui cachent par instants son visage et le révèlent à nouveau. Un visage qui laisse paraître dans ses veines le sang noir entrevu dans le cauchemar de Kaloum. On entend un bruit d'aile, quelque chose s'approche, quelque chose de terrible, mais Qu'est-ce qui peut être plus terrible que ce qui a pris sa force, ses racines en toi? Rien. Menteur. Si, une chose. La gentillesse. Viens manger ta soupe. Et je hurle. Non, jamais! Je déteste les tubercules! Mange ta soupe, te dis-je. Je jette le briquet et ça enflamme un mur qui était en racine. Ça dégage une fumée épaisse. Mais comme tu l'as suggéré, toute la bonté, toute la sève qui gorge le bois à cet endroit se répand et étouffe le début d'incendie, qui se noie sous la sève dans une odeur de sucre, de caramel, un souvenir de petits gâteaux dégustés dans l'antre de Little Hope lorsque tu n'étais plus ni toi, Léo, ni toi, petite, lorsque vous n'étiez plus ni l'un ni l'autre, que des subalternes de Lankar en attente d'une mission recrutée au cœur des bois en raison de votre innocence. Car c'est le suc infâme qui boue dans ton bras, la lame qui transperce maintenant les entrailles de ton frère Albert, qui se répandent, ses viscères qui lâchent une odeur pestilentielle, qui s'épandent sur tes pieds. Car tu as plongé ton bras en son ventre. Mais ton bras n'est plus un bras d'artifice. C'est un bras de sang. C'est un bras de sang, de sève, d'écorce. Un arbre vert, un sauvageon. Un arbre jeune. Qui est né au cœur du bois et qui a dissipé l'esprit de la première sœur, Kara. Nous mangeons tous trois la soupe épaisse que sert Mémé. Et Léo est de retour, mais plein de griffures. Les griffures qu'il a récoltées dans le bois. En s'aventurant dans le bois. Non, de Kara, parce que de loin, en fait, elle le assaillait par ses couteaux. Et il a plein de traces de couteaux, il est en larmes. Tellement qu'il arrive à manger des tubercules. Même si lui, il était dégoûté de sa vie des tubercules, il mangeait quand même. Il était en larmes. Maintenant, il puise sa vie dans sa sève. Dans le suc, le miel que dispensent les tubercules, le fruit de la terre, ce que vous allez chercher au temps sec en fouissant loin dans le sol lorsque Lankar vous a pris tout le riz qui était le vôtre. Qu'avez-vous pensé de cette session? Moi j'ai aimé. Par contre, j'ai trouvé ça trop joyeux. Alors, ça va. Alexane, tu n'as pas eu autant d'occasions d'explorer ton personnage que Xavier, qui a un petit peu pris la vedette. Oui, c'est pas vrai. Et qui a placé... La prochaine partie, c'est à mon tour. C'est à ton tour. Tu vas s'ouvrir. C'est à ton tour de s'ouvrir, maintenant. D'accord. T'as remarqué dit... que quand tu as dit la chose sur ton bras, je t'ai regardé de manière très bizarre. T'es en mode... Mais punaise, il va arrêter de me voler mes affaires. Non, non, c'est pas ça. Bah écoute ce que Alexane a te dit. C'est la vue que regardait mon personnage en fait. J'étais trop à fond, du coup, mon personnage te regardait en gros. Et c'est... Il avait l'impression que c'était... Elle avait l'impression que c'était la même chose qui était dans son rêve, du coup... Oui, je sais, j'ai essayé d'incorporer un peu ça. Je sais. Et vu que t'as trouvé cette chose dans quelqu'un, elle s'est dit, il y a un problème. Quelque chose est très... Voilà. Est très... C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le corps des personnes. Qui est très contagieux, comme tu viens de le voir. Tu as juste transpercé quelqu'un et ça y était contaminé. Mais là, je l'ai fait exprès. Oui, je sais. Mais là, t'as fini d'être contaminée, donc c'est bien. Tant mieux pour toi. J'allais dire, mais... sinon elle te regardait très bizarre. C'est pour ça qu'elle ne parlait plus. Au début, t'étais comme ça. Alors, cette contamination, okay. C'est celle qu'a vue Kaluma dans son songe prémonitoire. Mm. Et qui se répand dans la population. Chaque personne. Et une part. Mais seule elle le voit, en fait. Et maintenant, il faut trouver le remède ou ce qui permettra d'endiguer cette contamination, quelle qu'elle soit. Peut-être est-elle déjà présente. Remède ou... 49-20. Peut-être. 0-49. Peut-être ouais, qu'elle est déjà en marche, oui. Cette maladie qui est rompe. Oui. Ou peut-être. Les Caraïbes. Qu'elle n'est que potentielle. Pourquoi je dis Caraïbes ? Caraïen. Pourquoi Caraïen ? Attends. Non, des maladies. Cancer ? Non. C'est noir. Cacaproute ? Peste ? Ouais. C'est noir. Bendy ? Un mot d'une maladie avec noir à la fin. Rouge et noir. Une peste noire. Mais à ma manière. Ouais, en fait, c'est... Seule, voire... J'hésite parce qu'elle devient folle. Ouais, parce que c'est elle qui... Seule, elle la voit, quoi. Et personne, elle voit d'autre. 49. Cara, je peux la faire la même. 76. Ouais, non, tu l'as pas trop joué, lui. Mais bon. Si, un peu. Ah bon? J'ai fait le mélange entre Cara et 76. Parce que c'est transformé en lame. Il n'y a pas trop de différence. Ouais. Mais il faut chercher le moins. Mais bon. On fait le débat. Bah, c'est parce que j'ai beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup d'imagination. Mais oui. Est-ce que vous avez néanmoins l'un et l'autre eu suffisamment d'espace pour incarner oui. Vos personnages? Oh, lui, il a pris toute la place, donc je te dis, la prochaine séance, c'est à moi de prendre toute la place. D'accord. Ou alors à ton père. Mais plus à toi, ok? Mais t'as pris suffisamment place. Ou alors on partage. Oui. Mais... C'est quoi ce mot? C'est pas partager, donc c'est soit toi t'en as moins. Mais je connais pas ce mot, on me l'a pas appris. Alors pour partager, on peut revenir. Là, on a. J'ai essayé de suivre With Forest 3. Donc, on a joué jusqu'à la première sœur seulement. On peut soit. Faire la suite en fait. Qui était Kara. On peut soit jouer la suite de. de cette exploration intérieure. Je trouve, chacune des sœurs va nous posséder, soit, c'est bon. C'est la fin. Soit encore, parce que là on n'a pas résolu la confrontation à proprement parler. Oui. Soit encore, on peut aller revenir plutôt à un mode de jeu plus... plus proche de ce que nous faisions, à savoir sève la durée du oui, ce qui permet un meilleur, une meilleure répartition de la gentilité par les tours de parole, qu'on les fasse apparaître ou non, mais ça nous permettrait... Je suis d'accord avec Xavier parce qu'il prend trop de place. Ça permettrait Attends, d'éviter t'es d'accord que... avec moi ? Non, je suis d'accord. Ah bah génial ! Quoi ? Non, je suis d'accord parce que... Ah, j'ai oublié le parce que... Avec Xavier, ça prend beaucoup de place, ce truc-là. Cette personne-là, en face de moi-là. Mais c'est bon, sinon j'arrive pas à jouer. Oui. Bah, c'est ça qu'il faut faire des tours. Comme ça, t'arriveras à jouer, tu prendras la place, Lippo. J'ai besoin de faire un tas de morphes, c'est bon. Je suis un gros tas de morphes, du coup, je m'étale. Bah oui, non, contre les gros tas de... l'intérêt de la morve. Mais bon... Bah, quand on attaque le gros tas de morphes, il fait ça... On peut conclure qu'il y a un limon noir qui se répand en dedans des personnes, selon petite Kaluma. Qui devient folle. Ouais, peut-être devient-elle folle, à nous de le découvrir. Alors on pourrait partir de l'idée qu'on joue la prochaine fois par instance avec Sève la durée du oui. Et on introduit pour tempérer ou on va retenir... que tu avais récolté 3 perles, donc tu auras 3 souvenirs particuliers, que tu garderas par 2 vers 3, donc on matérialisera plutôt que les anciennes feuilles avec une feuille comme celle de l'arbre là, qui permet de zoner le souvenir. D'accord. Pour que toi tu essayes d'imaginer quelque chose en lien avec cela, avec une zone, donc le monde, le cœur, etc. Et définir des zones où on est sans lien. Et ensuite, on définira en début de partie, avec toutes les joueuses, une zone qui serait commune et qui constituerait la communauté et qui ferait que nous cheminions ensemble avec notre ami Monsieur Clément. Je vous rappelle que nous étions en train de... arrêté avec le pick-up était arrêté, nous avons été à l'intérieur du bois pour partager l'ensemble des souvenirs effeuillés à son almanach, l'une des feuilles que tu as dans les mains. Non mais moi ce que je voulais dire dans l'histoire à la fin, c'est que je brûlais la feuille. Bonjour. Allô. Allô. Tiens. Good morning. Une photo avec de toi avec la feuille en main, s'il te plaît. Oh, Loupi. Oh, mon feuille. Quoi? Oh, elle est belle. Oh, zut. Elle a arraché la feuille. Zut. Il l'a brûlée. Non, zut. En plus, elle était presque finie. Alors, j'ai une autre question maintenant. J'ai choisi de placer l'incursion, donc We Forest 3. C'est un jeu de Jamila Nejadi, une auteure des Philippines, qui a placé son jeu sous les auspices du folklore local. Donc, on l'a vu se manifester au travers du cheval, bicéphale, nanti dedans. Mais dans le même temps, j'ai incorporé... Moi, ça me faisait penser à Zelda. Dans le même temps, j'ai incorporé des éléments d'un autre folklore qui est en lien avec notre histoire dans le temps long. Vous aviez dit, il y a... à la partie précédente commune à nous trois, que vous souhaitiez aller vers la ville pour que... Oui, on a un peu remarqué. Que... vous trouviez les ressources nécessaires pour que les blessures infligées par le Vorgne soient guéries et que Léo retrouve un bras. Et donc, on avait dit que vous alliez vers Little O. Et donc, Little O, c'est une espèce de cité qui a un résumé de l'Asie du Sud-Est. Et de façon assez récurrente, j'ai introduit des éléments de la culture Lao et Khmer. Est-ce que vous avez senti cette coloration dans la partie ? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des éléments dans la communauté dont nous provenions qui n'étaient pas des éléments occidentaux ou mid-vaux pur sucre ? La première fois que j'avais introduit l'esprit que j'ai créé, quand tu m'avais dit il y a plein de dents qui s'ouvrent, j'ai l'impression que sa tête, dans ma tête, c'était sa tête grossissait avec des dents qui étaient géantes et il avait des flammes à la place des yeux. D'accord. Donc, il parlait d'une autre voix. Donc là, tu t'imaginais un peu comme dans ce que tu as pu voir de théâtre asiatique, c'est ça ? Oui. D'accord. Et toi, Alexane, est-ce que tu as vu la dimension asiatique s'insinuer dans notre histoire ou pas ? Non. Non ? Mais après, je connais pas trop ces choses-là. D'accord. Bon, alors, je vais voir comment le gérer. Donc, on va s'arrêter là, si ça vous convient. Le carré.